En fait, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, deux événements en un vont être réunis à cette occasion pour se dérouler sur deux départements, à la fois le Val d'Oise, mais également les Yvelines. Pour parler de cet événement, ou de ce double événement, Olivier Coudert, directeur du Théâtre du Cristal, qui dirige cette compagnie depuis 1982, c'est bien ça ? 1989. Neuf ? Oui, oui. Et, mais la compagnie était créée avant ? L'association, effectivement, a été créée en 82. Rien n'échappe à RGB. Alors, juste, avant de rentrer dans le détail de cet événement, double identité, j'ai lu du Théâtre du Cristal, qui est à la fois une compagnie professionnelle et un pôle art et handicap. C'est utile de le préciser pour la suite de cette émission. Oui, ça fait un peu une double casquette. L'idée nous est venue parce qu'on est en compagnie de théâtre jouant avec des comédiens dont certains sont en situation de handicap. Il nous est apparu criant qu'il y avait un vrai problème d'accès pour les personnes handicapées à l'art, à la culture, et qu'il était nécessaire de se mobiliser là-dessus parce que ça paraît un peu insupportable que 200 ans après la déclaration des droits de l'homme et du droit à la culture affirmée haut et fort un peu partout, on se rende compte qu'il y a des gens qui sont dans des institutions où ils croupissent, alors rien à dire, ils mangent bien, ils dorment bien, mais ils restent à l'intérieur et aucune possibilité pour eux d'aller fréquenter quelques spectacles que ce soit. Alors, juste, je précise, d'ailleurs, j'ai eu la même question pour Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy Pontoise. Accéder et permettre l'accès à la culture pour les personnes handicapées, c'est une chose, mais là, je crois que votre compagnie, le pôle art et handicap, va plus loin, c'est accéder à la pratique culturelle. C'est-à-dire pas simplement se retrouver dans les salles de spectacle, de cinéma et dans les lieux de culture, mais être aussi soi-même acteur. Il faudrait que ça rejoigne le droit commun, tout simplement. C'est-à-dire que tout un chacun, on doit pouvoir fréquenter les œuvres qu'on a envie de fréquenter, faire du théâtre ou un art en amateur si on en a envie, et si le cœur nous en dit qu'on en a les capacités, devenir professionnel si on le peut. Hein, et que rien ne soit impossible au départ. Sans pour autant que ça soit et que ça demeure du théâtre expérimental. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire comprendre. Alors c'est curieux parce que l'art brut a précédé ce mouvement du spectacle vivant il y a 50 ans d'avance à peu près. Ce qui fait qu'aujourd'hui on ne s'interroge plus et les expositions qui ont lieu à la Maison Rouge, qui ont eu lieu récemment au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, les Darger, personne ne se pose de questions. On y va, on trouve ça formidable et ces musées sont pleins. Aujourd'hui, le spectacle vivant recèle de pépites, de choses tout à fait passionnantes. Il y a une diversité, une richesse de la création. On ne peut pas du tout comparer les spectacles du festival, par exemple, qui ont vraiment de très grandes caractéristiques très, très singulières. Et on n'imagine pas que cette diversité est tout à fait passionnante. Avec, en effet, des spectacles et des propositions, des événements qui vont rythmer la vie de nos deux départements, si je peux dire, pendant plusieurs semaines. Les dates, vous me les rappelez. Alors, 27 septembre au 21 octobre. Et cela, c'est pour cette édition 2016, 60 représentations, 40 lieux dans les départements du Val d'Oise et des Yvelines. Alors, votre compagnie n'est pas simplement organisatrice de cet événement, elle est aussi impliquée. Voilà, on y joue deux spectacles, l'émission d'un mendiant qui ouvriront donc le festival à Versailles pour la partie festival Orphée dans les Yvelines. Un petit mot juste pour dire qu'on faisait à peu près la même chose sur deux départements à la même date en plus au mois d'octobre. On s'est dit que c'était un peu plus malin de réunir les deux initiatives et de ne pas s'interdire de rêver pour que dans deux ans ce soit un festival francilien qui concerne toute la région parisienne, ce qu'on a bien l'intention de faire. Donc l'émission d'un mendiant, c'est un spectacle de Daniel Keane. Et pour vraiment instituer ce partenariat avec Richard Le Tertre, qui est le président du Festival Orphée, qui est metteur en scène également, on a décidé, ce qui n'est pas si courant que ça, de faire ce spectacle à deux mains, à deux metteurs en scène, lui ayant monté deux pièces courtes de Daniel Keane et moi qui en ai monté deux autres, donc La Visite et Avis aux intéressés, qui est un texte absolument magnifique. Deuxième spectacle, c'est le Cabaret des frissons garantis. Où il est question d'une réinvention dans un joyeux désordre des rituels qui ont disparu, que l'on a pu, ou presque disparu, parce que à la lecture du dossier de presse, je me suis dit, mais s'il y a des endroits encore en France où ça existe, oui. Les noces, les banquets, les bals, les fêtes communales, les lotos, les comices agricoles, les foires et autres cérémonies, mais ici en région Île-de-France, ça a un peu disparu tout ça. On ne peut pas donner meilleur exemple de la diversité, puisqu'entre Daniel Keane, qui est dans une pureté de la langue, dans une économie de moyens, et ce spectacle qui est vraiment sur le cabaret, avec tout son côté de débauche, de couleurs, d'amusement, de fête, on ne peut pas avoir des formes plus dissemblables que ces deux-là. Et effectivement, d'essayer de renouer avec cette tradition du cabaret, où tout est possible. À partir du moment où il y a un rideau des apparitions, alors le thème qui a été retenu, c'est celui de la nourriture, qui est effectivement qui est présent dans toutes les manifestations festives de tout la vie en France. Tout se passe autour d'un repas. Et tout se passe autour du repas, de la nourriture. Voilà. Les engueulades, les joies, les peines, les pleurs, tout voilà. Est possible. Et là, dans une ambiance assez déjantée, il faut bien le dire. Où on pousse la chansonnette qui va de Nino Ferrer, Les Cornichons, jusqu'à Offenbach, etc., etc. Ça sera présenté sur la scène de l'Apostrophe Théâtre des Arts les 13 et 14 octobre pour deux représentations à l'Apostrophe, mais 5 autres représentations à l'occasion de ce festival Art et Handicap, puisque ça se déroulera, comme on l'a indiqué, sur ces deux départements du 27 septembre au 21 octobre. Autre spectacle qui est à l'affiche de l'Apostrophe, c'est le spectacle de Jérôme Bell, le grand chorégraphe, qui s'interroge sur les questions de déconstruction de la représentation. 12 professionnels sur scène, des professionnels hors du commun, singuliers, des personnes mentalement handicapées, qui sont effectivement de vrais comédiens. Oui, disons que Jérôme Bell a travaillé avec le théâtre Aura, qui est un peu l'équivalent pour ceux qui connaissent l'Oiseau-Mouche en France, ou ce qu'on peut faire nous, c'est-à-dire une vraie dimension professionnelle de leur travail, c'est leur métier à plein temps. Et on a cette étrangeté de voir des personnes qui sont trisomiques pour la plupart, qui sont donc hyper laxes, hein, qui ont souvent des corps relativement lourds, hein, et en même temps ce contraste entre cette massivité du corps et une souplesse qu'on n'imagine pas du tout. C'est là-dessus, je crois, que Jérôme Bell a travaillé. Et pour présenter un spectacle, alors qui est vraiment, là aussi, il y a une sorte de controverse qui a pu se faire à propos de ce spectacle quand il est passé à Avignon. Les uns adorant, les autres refusant totalement qu'on puisse traiter ainsi. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de venir voir pour se rendre compte de la façon dont effectivement le rapport entre l'art et le handicap se tisse d'une façon très particulière. Oui, en plus, ce travail artistique, selon les propos du chorégraphe Jérôme Bell, a remis un peu en question ses propres préjugés sur le handicap. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'avait pas une spécialité pour s'engager dans une telle aventure. Ça, je crois que c'est la marque de fabrique de toutes les personnes, spectateurs, artistes qui travaillent avec des personnes handicapées, c'est que ça bascule complètement les clichés qui les habitent au départ. Hein. Et moi, les réactions de spectateurs que j'ai entendues des centaines de fois, c'est des gens qui ressortent d'un spectacle en disant « je m'attendais à avoir des handicapés, j'étais pas très à l'aise, et puis finalement j'ai vu un spectacle ». Et puis c'est au salut, je me suis dit, mais enfin c'est bizarre, ils sont handicapés, ils ne le sont pas. Bref, ça a fait, je crois, vraiment basculer cul par-dessus tête tous les clichés qu'on peut avoir, toutes les représentations qu'on a, et de l'art et du handicap. Cul par-dessus tête, je vais retenir l'expression, elle me plaît bien. D'autres événements vont venir rythmer ce festival, ce double festival, Art et Handicap, Orphée, Viva la Vida. D'abord des rencontres professionnelles qui seront organisées non pas le 4 octobre comme c'était indiqué précédemment dans la brochure de saison 2016-2017 de l'Apostrophe, scène nationale de Sergi Pontoise, mais le 6 octobre au centre hospitalier de Gonesse sur le thème « Construire le réseau, qu'attendez-vous de ces rencontres professionnelles et à qui ça s'adresse ? C'est un temps auquel je suis personnellement très attaché parce que je pense, comme je le disais au début, qu'il y a un vrai travail à faire sur l'accès à l'art, à la culture, que ce soit aux salles de cinéma, de bibliothèques, de théâtre, etc., pour les personnes handicapées. C'est vraiment le fait de mettre en présence tous les acteurs et de dire « travaillons ensemble, construisons un réseau, il en existe un pour l'éducation nationale qui est très performant, pourquoi ça n'existerait pas pour le médico-social ?» Voilà, on va se pencher là-dessus avec tous les acteurs en présence, c'est-à-dire les directeurs et les personnes qui travaillent dans les établissements culturels, les gens qui travaillent dans les établissements médico-sociaux, les faire se rencontrer et voir comment ils peuvent construire des dispositifs qui leur permettront de mieux travailler ensemble demain. Je crois que c'est vraiment très important. Autre événement organisé cette fois-ci à l'Apostrophe, à la scène nationale, international, le colloque Handicap, Art et Culture, Nouvelle Représentation, Nouvelle Mythologie. La date, c'est pour le 14 octobre. Ça se déroulera à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Gratuit pour tous ceux qui vont y participer, à l'exception du repas pour lequel il faut s'inscrire préalablement. On vous dira tout cela tout à l'heure. Alors, un événement qui est organisé avec et en partenariat avec la mission Handicap de l'Université de Cergy-Pontoise. Juste avant de faire intervenir Sylvie Brodziac pour cela, juste nous dire, Olivier Coudert, là pareil, quel est l'intérêt de ce colloque pour vous ? Alors, si je peux me permettre, parce que je pense que c'est une information très importante à donner quand même, sur tous les spectacles qui sont proposés, 4 sont traduits en langue des signes. C'est très important parce que les sourds se plaignent, et ils ont raison, très souvent de ne pas pouvoir avoir accès au spectacle parce que simplement ça n'est pas traduit. Donc ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Là, 4 spectacles non seulement sont traduits, mais ça fait partie même de la démarche artistique. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui était rajouté dans un second temps. Ça fait partie du propos et du dispositif de création que d'avoir la langue des signes. Donc voilà, 4 spectacles accessibles. Un film en deux descriptions. Et bien, j'en reviens à votre question. Excusez-moi pour cette petite digression. Pour le colloque. Sur le colloque. Le colloque, il est important parce que... Alors là, ça s'adresse plus à des gens qui ont envie de réfléchir sur la question. Et je suis persuadé que ce mouvement artistique qui a commencé avec l'art brut, qui se prolonge dans le spectacle vivant, contribue à changer en profondeur l'image du handicap. Il y a le bouquin de Sticker qui s'appelle « Les fables peintes du corps abîmé » qui racontait comment la peinture dans le temps avait pu accompagner ces changements d'identité, d'image, de mythologie autour du handicap. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à voir comment ça se trame dans notre inconscient collectif du jour, comment des nouvelles images contribuent à émerger. Sylvie Brodziac, je disais qu'en vous présentant tout à l'heure que vous êtes maîtresse de conférences en littérature et histoire des idées à l'Université de Cergy-Pontoise. Pourquoi ce partenariat entre cet événement et la mission handicap de cette même Université de Cergy-Pontoise ? Alors d'une part parce que les étudiants handicapés sont de plus en plus nombreux et nous en sommes heureux au sein de notre université, et d'autre part parce que le handicap, comme vient de le souligner Olivier, est un véritable objet de recherche, et donc nous allons faire intervenir des collègues chercheurs sur cette question spécifique. L'image du handicap dans le spectacle vivant, ou bien l'après-midi, l'image du handicap dans les médias audiovisuels, c'est des sujets qui sont présents en permanence dans toute la société française, y compris dans les universités. Oui, bien sûr. Alors, notamment à Cergy-Pontoise, nous avons été d'emblée sensibles au phénomène du handicap. Pour exemple, il y a eu introduction de la langue des signes au département de lettres modernes, un véritable apprentissage au sein donc de ce département depuis à peu près 6 ans. Ouais. Donc, à la fois, nous devons répondre aux questions que nous posent nos étudiants, parce que nous sommes là pour ça, mais également, nous allons tenter de voir si en l'espace de 20 ans, peut-être, il y a eu une modification des représentations. Comment bouge-t-elle ? Il suffit de voir la réception des Jeux aujourd'hui olympiques, paralympiques, et peut-être cela suscite cette réception de bien de nombreuses questions. Donc réfléchissons, est-ce qu'il y a une réelle modification des représentations ? Oui. Parce que souvent, on veut traduire le handicap seulement en termes d'accessibilité des lieux, des espaces publics ou privés. Mais c'est le regard plus général, le comportement plus général de la société pour assurer une véritable intégration, pas simplement une insertion, mais bien plus. Oui, une intégration, un échange, une participation, et que celle-ci ne pose plus aucun problème, que ce soit effectivement dans, je dirais, l'espace public, matériel, physique, mais également dans l'espace culturel. Et c'est cela que nous allons travailler. Au-delà de tout. En nous servant essentiellement du grand vecteur de ces représentations, à savoir la télévision. Au-delà de tout ça, si j'ai bien compris, d'ailleurs, entre Olivier Coudert, directeur du Théâtre du Cristal, et vous-même, à l'Université de Cergy-Pontoise, c'est la place et c'est la tolérance au quotidien de la différence. C'est ça ? Je ne parlerai même pas de tolérance, je dirais simplement d'enrichissement mutuel. Puisque évidemment, quand on vit au contact des personnes handicapées, on se rend compte que, alors évidemment, il y a des spécificités, parfois des choses compliquées, mais aussi beaucoup de richesses et d'intérêts à travailler et vivre avec elles. Oui, tout à fait. Il faut que la présence, et c'est ce qui se passe, de nos étudiants handicapés, ne soit